Je démarre en promo comme démarre un super motard dans la tête. Je fais le vacarme et laisse mon blaze. Derrière nos parcours des S. Rythme pour ceux qui veulent doubler de sensations fortes. Du genre des courses poursuites avec les keufs. Quand tu les as pris de vitesse, tu capes le jazz. J'augmente ton taux d'adrénaline, quoi qu'il en dise. Je foque les jaloux pour qu'ils se taisent, la flamme j'attise. Et les esprits s'embrasent, ils se plaisent à marcher sur les presses. Fais gaffe à toi s'ils te croient, tu parles de cette minorité qui crée ces turbulences. Ils en ont marre de voir leurs potes partir en ambulance, d'avoir la malchance comme seule semence, de voir leur rêve partir en fumée sous l'effet d'un spliff, c'est dur d'assumer. Maintenant c'est le retour de flamme, tu sèmes le vent, récolte la tempête. Genre madame et préviens, je suis pas ton pote. T'as le temps de prendre la poudre d'escampette, sinon ce sera le coup dans les côtes. Carman aujourd'hui faut que ça pète. Tu sèmes le vent, récolte la tempête. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé. Entre eux et nous c'est la compète. Tu sèmes le vent, récolte la tempête. Je savoure ce que j'ai fait de bien. Pas toujours simple dans ce monde de tarpe. Ils sèment le vent, récolte la tempête. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé. Entre eux et nous c'est la compète. Ils sèment le vent, récolte la tempête. Je savoure ce que j'ai fait de bien. Les vieux m'ont appris, fais le bien. T'auras le bien, fais le mal. Et là surviendront les douleurs anales. L'amour et la haine sont les recto verso de la même médaille. Que Dieu bénisse les miens au train où les choses s'activent. Les fautifs font l'autruche triche dans l'émergence ou film fritz fit. Pour le premier rôle drôle, j'ai le blues comme Billy King. Discipline, lourd de peine pour les crimes. Je rime, c'est mon quatre vents. Récolter une tempête, c'est motivant. Savoir où on fourre son nez, esquiver les sables mouvants. Éviter de se dire putain, si j'avais su avant, on serait tous innocents. Telle la blanche colombe, moins d'épisodes sombres et de refrains à l'ombre. Je fais référence à la référence qu'on a à s'investir pour gratter gros, manger gras, dissiper le gris de plein gré. Combien sommes nos troupes, espérant des lauriers à l'arrivée, la récolte résonne à coups de colte. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé. Entre eux et nous, c'est la coupette. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Je savoure ce que j'ai fait de bien. Pas toujours simple dans ce monde de tarpe. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé. Entre nous c'est la compète. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Je savoure ce que j'ai fait de bien. Pas toujours simple dans ce monde de tarpe. Mis en réflexion, je colle à la masse publique. Et dans cette action, j'y frictionne l'élite. L'étiquette colle encore, c'est l'animal sauvage. Je m'anime en massage pour quiconque me fout dans l'engrenage. La force du prédateur fait tes masses sans être détecté. Délecté de ses proies après les avoir immolés. Affûter ses sens au point de les exacerber. Les cerbères exaspèrent les distances de terre pour exploiter. L'exploit c'est qu'on s'en sort avec des frilises blindées. Des prises de gueule en tête à tête et l'ennemi est maltraité. Un doigt sur les chiens qui bouscule, toute pièce mal placée. Je vais te poser comme je pose à l'âme pour scalper. Autant que pour déhausser au rythme de la nouvelle au Congo. Le vent et la tempête sont passés. Après ça, qu'est-ce qui pourrait encore nous arriver? Car tous les gros futés, c'est que les derniers restent les derniers. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé. Entre eux et nous, c'est la coupette. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Je savoure ce que j'ai fait de bien. Pas toujours simple dans ce monde de tarpe. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé. Entre eux et nous, c'est la coupette. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Je savoure ce que j'ai fait de bien. Pas toujours simple dans ce monde de tarpe. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé. Entre eux et nous, c'est la coupette. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Je savoure ce que j'ai fait de bien. Pas toujours simple dans ce monde de tarpe. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Ils nous ont cherché, ils nous ont trouvé. Entre eux et nous, c'est la coupette. Ils aiment le vent, récolte la tempête. Je savoure ce que j'ai fait de bien. Pas toujours simple dans ce monde de tarpe.